le respect de l'individu et son œuvre. Les gens qui produisent des enregistrements en lien avec la conscience et qui en font la vente doivent être respectés pour leur travail. Vous n'êtes pas obligé d'acheter leur enregistrement, bien entendu. Par contre, ces gens ont le droit à la dignité humaine. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, je vais vous partager, en fait, une interaction là, qui a eu cours là, sur Internet. C'est que dans les derniers jours, j'ai mis en ligne un enregistrement où je présente un extrait audio d'une entrevue payante que j'ai effectuée avec Marc de la Salle, donc qui est en vente là, sur le site de Marc de la Salle. Et par la suite, parce que moi, quand je produis des vidéos sur YouTube, je les relais sur Facebook. Et il y a une personne, entre autres, qui a fait un commentaire sur Facebook à l'effet que suite, dans le fond, à l'enregistrement qui a été mis en vente, et bon, la personne disait qu'il y a probablement une personne qui va l'acheter, puis par la suite la mettre disponible aux autres personnes gratuitement sur Facebook, avec un petit sourire dans le message. Comme si la personne pensait que j'allais trouver ça drôle ou d'autres personnes allaient trouver ça drôle là, sur Facebook. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça du drôle du tout. Ça m'a même mis en colère parce que, à quelque part, pour moi, c'est un manque de respect pour l'individu qui vise à manifester une vibration à travers sa parole et son œuvre. Donc, ça m'a mis le feu au derrière. C'est la raison, entre autres, pourquoi que je parle aujourd'hui, parce que je trouve que ça n'a aucun bon sens. Il y a un manque total de respect envers l'individu et son œuvre dans ce type de comportement-là. Donc, j'ai confronté cet individu-là par la suite. J'ai écrit sur Facebook et j'ai dit que dans son comportement, en tenant un tel propos, il n'y a aucun respect pour l'individu et que ce type de propos ne témoigne pas d'aucune intégration réelle du principe de l'amour de l'homme pour l'homme. Parce que en ligne avec l'instruction supramentale, il y a trois aspects. Hein? Il y a la volonté, l'intelligence et l'amour, qui fait l'acronyme VIA, comme la compagnie au Canada de transport par train VIA Rail. Bon, bon, petite tranche d'humour pour adoucir un peu, mais l'essence de mon propos, c'est que si quelqu'un vise à intégrer l'instruction supramentale, il doit agir en conséquence. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire qu'il est dans l'intégration du principe de l'amour, si, dans le fond, la personne va faire un commentaire pour inciter les gens à pirater, par exemple, un enregistrement. Il n'y a aucune générosité réelle dans ce type de comportement et aucun amour réel envers l'individu et son identité vibratoire, aucun soutien psychique. Donc, c'est sûr que j'ai eu aussi plusieurs commentaires de gens qui sont très réfractaires à l'idée d'acheter des enregistrements ou que des enregistrements en lien avec la conscience supramentale puissent être mis en vente sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui, pour eux, tout ce qui touche à la conscience doit être gratuit. En ce qui me concerne, moi, je soutiens que la personne a le droit de vivre décemment de sa parole et qu'il puisse obtenir une rétribution financière des gens qui en bénéficient, en proportion, pour permettre à l'individu qui ose parler de conscience supramentale, d'avoir un soutien financier pour répondre aux besoins en relation avec la nécessité d'une vie sur le plan matériel, que ce soit par rapport à l'alimentation, aux vêtements, l'habitation, etc. Donc, la personne puisse gagner dignement de sa vie. Donc, pour moi, quelqu'un qui fait des conférences, qui vend des livres, qui va vendre aussi des enregistrements ou même donner des séminaires, pour moi, la personne a le droit d'être capable de vivre de ses activités en relation avec la conscience. Donc, c'est sûr que j'ai discuté avec la personne, puis qui avait fait le commentaire à l'effet que quelqu'un allait acheter l'enregistrement puis là, le donner, rendre disponible à tout le monde en le piratant. Et puis, suite à ça, la personne s'est réajustée. Fait que c'est ça qui est intéressant dans ma petite anecdote. Elle a retiré son commentaire. Elle m'a même écrit pour me dire qu'elle a regretté d'avoir agi ainsi. Donc, j'ai senti dans l'essence de son propos un ajustement vibratoire et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, c'est sûr que, dans le fond, pour moi, il y a des gens qui ne veulent pas acheter d'enregistrement, puis c'est bien correct. Moi, je tords le bras de personne. Donc, le point, c'est que si quelqu'un veut vendre des enregistrements, pour moi, ça doit être respecté. Sûr, vous n'êtes pas obligé d'en acheter, comme je vous le dis, là. Par contre, ce qui est évident pour moi, c'est que le piratage de quelqu'un qui cherche à vivre de son vivant des enregistrements, bien, c'est un comportement extrêmement retardataire. Parce que, dans le fond, si la personne n'a pas un retour financier pour lui permettre de vivre décemment dans sa vie, bien, il y a moins de moyens par la suite pour acheter, par exemple, un ordinateur à jour, acheter un micro, ensuite... Il y a du matériel informatique en lien avec la production d'enregistrement. Ensuite, si la personne se déplace pour donner des conférences, que ce soit au Québec, en Europe, en France, en Belgique, il y a des frais associés à ça, et ainsi de suite. Donc, il me semble logique qu'il y ait un retour financier en lien avec des activités qui ont trait à la conscience. Et pour moi, il est évident que si quelqu'un a réellement de l'amour pour l'individu qui manifeste une vibration dans sa parole, et qui, dans le fond, se sent solidaire de ce qu'il véhicule et qui va être son allié psychique, ben, la personne va agir en conséquence. Ça peut être d'acheter un livre, d'assister à une conférence, acheter un enregistrement de conférence ou même d'aller au séminaire. Parce que sans ce type de comportement, l'émergence de la confrérie des individus supramentaux et de la régence planétaire, donc le gouvernement supramental, eh bien, ça va être retardé. Donc, autrement dit, ça va à l'encontre de ça. Parce que l'émergence, la confrérie des individus supramentaux, ça va être s'appuyer sur le principe de l'amour de l'humain pour l'humain. C'est-à-dire du respect entre individus. Et il va y avoir des alliances qui vont se construire. Puis à partir de ces alliances-là, bien, à ce moment-là, il va y avoir des projets qui vont se faire entre individus qui développent une conscience, des projets à différents niveaux. Ça peut être des projets au niveau scientifique, des développements par rapport à, par exemple, à des choses qui vont favoriser la santé, développer des technologies de type durable pour le respect de l'environnement. Ensuite, aussi, des liens avec des individus significatifs dans le domaine de la politique pour amener des politiques constructives en relation avec l'émergence d'une conscience nouvelle et favoriser le respect des droits individuels dans tous les pays de la Terre, de plus en plus, pour favoriser une individuation des gens sur Terre et que ces personnes puissent avoir un cadre socio-culturel pour favoriser leur intégration de la conscience supramentale et la facilité. Donc, il va y avoir plusieurs projets et éléments parce que la conscience supramentale va éventuellement amener des changements de civilisation. Donc, c'est sûr que suite à un échange que j'ai eu, entre autres, avec Marc de la Salle, dans le cadre d'un enregistrement récemment, j'ai décidé de vendre de nouveau des enregistrements où je parle en solo, dont vous allez avoir des extraits sur ma chaîne YouTube. Donc, il va y avoir encore du matériel qui va être disponible gratuitement, mais il va en avoir qui va être payant aussi. Ça, je tiens à vous le mentionner. C'est sûr que dans mon cas, la vente d'enregistrements, c'est pour affirmer aux individus et aux entités astrales et systémiques qui m'écoutent, parce que je m'adresse aux visibles et aux êtres également invisibles. Donc, le message que j'envoie à l'univers, donc autant aux vivants qu'aux morts, c'est que ma parole vaut quelque chose. Donc, c'est une affirmation de mon identité, de ma vibration et de mon autorité. C'est sûr que ma priorité n'est pas de vendre dans l'optique de me soumettre au pouvoir de l'argent qui est une forme et en devenir esclave. Ma priorité est plutôt d'affirmer mon droit dans mon identité vibratoire à un échange équitable avec ceux qui bénéficient de ce que je produis tout simplement. C'est sûr que si ma priorité serait de faire de l'argent en premier, je vous parlerais pas de conscience supramentale. Je vous parlerais plutôt de guérison miraculeuse, puis Je pourrais devenir un preacher, là, puis recevoir des individus sur la tente, puis sous la tente, là, qui vivraient des supposés, là, guérisons. Donc, je ferais autre chose, là. L'un de mes objectifs, en participant à des enregistrements payants, que ce soit en solo ou avec des invités que j'interviewe, c'est d'aller plus loin de qu'est-ce qui peut être dit pour le public, donc qu'est-ce qui est ajusté aux masses sur Internet, sur YouTube. Parce que c'est sûr que si je fais un enregistrement pour le grand public, il faut que je m'adapte par rapport au fait que n'importe qui sur YouTube peut tomber dessus. Alors que les enregistrements privés visent des gens qui sont réellement intéressés et concernés par ça. Parce que là, c'est pas des gens qui tombent par hasard sur l'enregistrement, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas d'hasard, mais c'est des gens qui vont faire un effort conscient de payer un montant d'argent pour y accéder. Donc, ça crée une forme de filtrage. Aussi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que lorsque Bernard de Montréal était vivant, il a fait des conférences et a vendu des enregistrements qui étaient payants. Donc, il y a des gens qui semblent oublier aujourd'hui. J'ai eu des échanges avec des gens sur Facebook et c'est comme si les gens prenaient pour acquis que le matériel de Bernard qui a été produit, ça s'est tout fait gratuitement. Ben non. Les gens qui assistaient à ces conférences ou qui voulaient avoir accès à ces enregistrements, ils devaient payer. Et c'est sûr que la question que j'adresse au public, c'est qui parmi vous qui ont écouté des enregistrements de Bernard de Montréal aurait la générosité réelle aujourd'hui de payer pour accéder à ces enregistrements si Bernard était vivant et si cet argent, comme il est vivant, lui permettrait de vivre décemment de sa parole. Donc, qui parmi vous aurait la générosité d'agir ainsi? Voilà la question que je lance. C'est sûr que pour d'autres personnes dans la conscience, parce que moi j'ai commencé à m'intéresser au matériel de Bernard de Montréal lorsqu'il était décédé. Par contre, il y a des gens de leur vivant que j'ai apporté mon soutien financier. Par exemple, lorsqu'il était vivant, Daniel Ménard, d'ailleurs que j'ai interviewé là, à quelques reprises là, sur Internet, eh bien, quand il était vivant, j'y ai acheté des enregistrements à plusieurs reprises, sur plusieurs années. Et aujourd'hui, je vous en parle et j'en suis fier, car il serait plus possible pour moi de lui acheter pour participer à lui offrir un soutien pour ses dépenses courantes, logement, loyer, qui sont inhérentes à la vie planétaire dans un corps physique. Donc, moi, je suis content. Daniel Ménard est décédé, mais je peux dire qu'à différence d'un paquet de personnes qui, là, aujourd'hui, disent « Ah, ben c'est un grand homme », ouais, mais il y en a combien parmi vous qui avaient acheté de ses enregistrements ou assisté à ses conférences quand ils pouvaient le faire? Puis quand, à ce moment-là, d'avoir accès à cet argent-là était vital pour lui? Combien d'entre vous l'ont fait? Moi, je peux dire que je l'ai fait. J'en ai acheté des enregistrements. J'ai déjà aussi assisté à ses conférences. Puis je ne le regrette pas parce que pendant qu'il était sur Terre puis qu'il a fait son travail, ben j'ai pu participer à lui donner un soutien. Et moi, ce que je trouve dommage et déplorable, c'est que souvent, il y a des gens qui vont dire avec le recul, « Ah, tel individu, c'était un grand communicateur, etc. » Souvent, quand les gens décèdent, là, les gens vont faire des hommages puis vont dire des grands individus, mais qui, pendant que ces gens-là sont vivants, vont les reconnaître, la qualité de leur travail. Donc, c'est sûr que l'objet de l'enregistrement aujourd'hui, c'est à quelque part d'inviter les gens qui, par exemple, vont apprécier le travail de Marc de la Salle, de lui soutenir en ce sens par rapport à ses, ça soit l'achat de conférences ou autre. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des gens qui ont initié certaines choses sur Terre et qui ont seulement été reconnus longtemps après leur mort, que ce soit des inventeurs ou même des artistes. Si on pense, par exemple, à Van Gogh, qui de son vivant a connu de la pauvreté. Puis aujourd'hui, ces peintures de cet artiste peintre valent plusieurs millions de dollars. Et ça, je trouve ça extrêmement regrettable dans le sens que cet individu, pour moi, aurait eu le droit de connaître dans sa vie une dignité humaine et d'avoir un salaire à la juste mesure de la qualité artistique de ses peintures. Donc, c'est sûr que ce que je voulais rajouter, ben, c'est que moi, je suis content parce que j'ai fait un enregistrement récemment où j'ai rendu hommage à plusieurs individus, puis je l'ai fait de mon vivant. C'est sûr qu'il y en a plusieurs d'entre eux, là, tu sais, je pense à Marc de la Salle que j'assistais à son séminaire. Par la suite, j'ai déjà acheté des conférences. Il y en a d'autres, Daniel Ménard, j'ai déjà donné un soutien. Donc, il y en a plusieurs à certains niveaux que, à quelque part, je me suis manifesté pour, en fait, exprimer mon appui psychique à leur mouvement. Donc, puis j'en suis très content. Sinon, c'est sûr que quand on parle de faire payer des gens pour des enregistrements, il y en a qui sont réfractaires. T'sais. Il y a des gens qui vont dire « Ah ben, l'argent, c'est astral. » Attendez une minute, là. Pour moi, l'argent, c'est un outil parmi tant d'autres. L'argent en soi n'est ni bon ni mauvais, tout dépendant qu'est-ce qu'on en fait. C'est sûr que quelqu'un peut utiliser l'argent pour acheter des armes, vendre de la drogue, etc. Mais l'argent aussi peut servir pour différents types d'initiatives, voire des initiatives créatives également. Donc, c'est sûr que si la personne adhère à la croyance que l'argent est astral ou mauvaise, mur à mur, ben, ça garde les gens pauvres et c'est retardataire parce que ça empêche d'avoir accès aux ressources pour se développer puis d'acheter des choses. Que ce soit un ordinateur, que ce soit des caméras pour faire des vidéos, que ce soit des billets d'avion pour aller en Europe, rencontrer des gens, et ainsi de suite. Donc, l'argent, c'est un outil. En ce qui me concerne, il n'est ni mauvais ni bon en soi, tout dépendant de son usage, comme toute chose. Puis c'est sûr qu'en ce qui me concerne, j'ai pas fait vœu de pauvreté, là, comme les moines dans le domaine de la haute spiritualité. Donc, ça, c'est clair pour moi. Parce que si quelqu'un, dans le fond, donne tout ce qu'il fait puis il n'y a pas de retour en conséquence, ben, il arrive des situations où la personne se fait marcher sur les pieds. Moi-même, j'en ai vécu. J'ai fait, entre autres, dans le passé, des capsules audio, donc des enregistrements où je répondais à des questions du public, où je prenais la peine, suite à des questions que je recevais, de répondre. Et il y a des personnes qui étaient beaucoup dans la gratitude, donc qui m'ont remercié, puis chantaient de leur part un élan de générosité, tandis que d'autres personnes qui m'ont jamais remercié là, après avoir fait ça. Tu sais, t'as des gens qui ont beaucoup de savoir-vivre, puis t'en as qui en ont peu ou pas. Sur Internet, en fait, là, les gens, c'est pas homogène du tout. Je le vois dans les commentaires, en lien avec les vidéos sur YouTube, les commentaires aussi sur Facebook, en relation avec mes activités. Je vois ça depuis plusieurs mois. Et c'est comme sur Internet, t'as des gens qui sont universitaires, puis t'en as d'autres qui sont en maternelle. Puis t'en as quelques-uns au primaire, d'autres au secondaire. Donc, ils n'ont pas le même niveau d'éducation, mais ils n'ont surtout pas le même niveau vibratoire puis de générosité. Donc, il y a des gens qui ont une politesse. Donc, ils ont un amour de l'être humain qui est très présent. Et pour eux, j'ai beaucoup de gratitude. Et je les remercie. C'est sûr que, dans le fond, quand je parle de vendre des enregistrements l'échange et le retour, ça peut passer par l'argent. Ça peut être d'autres moyens aussi. C'est sûr que si je discute avec quelqu'un, puis c'est enrichissant sur le plan mutuel, puis une belle vibration qui passe, que je sens de l'amitié, du respect, puis que je sens que les propos dans le fond, participe à mon développement. Je suis très reconnaissant. Donc, d'ailleurs, je remercie les gens qui, par leurs commentaires, m'ont emmené plus loin dans l'étude et la compréhension du réel. Donc, les gens aussi avec lesquels je collabore sur certains projets et des gens aussi qui sont pour moi de véritables alliés psychiques. Bien sûr, je remercie également les gens qui m'ont fait parvenir au fil du temps de l'argent par PayPal en appréciation des activités que je fais. Mais c'est sûr que l'essence de mon propos, entre autres, c'est de dire que pendant que des gens qui présentement font un travail avec la parole, si vous appréciez ça réellement, c'est maintenant qu'il faut se manifester en ce sens. C'est pas d'attendre que ces gens-là soient morts, là de faire des beaux hommages là, par rapport à eux, alors qu'au moment où ils avaient besoin de votre soutien sur le plan matériel, par exemple, au niveau financier, vous ne l'avez pas fait. Donc, en terminant, je mentionne que s'il y a des gens qui apprécient les entretiens que je fais avec des invités, ben, vous êtes bienvenus pour les acheter. Ou s'il y en a qui apprécient aussi les enregistrements que j'ai mis disponibles sur Internet gratuitement et que vous en écoutez depuis un certain nombre de temps, ben, c'est sûr que vous êtes bienvenus également pour me faire parvenir un virement d'argent, que ce soit par Interac ou également par PayPal. Donc, en faisant tout simplement l'utilisation de ces services de paiement sécurisés pour virer le montant à mon adresse courriel étant davidlevesque@hotmail.com. Merci, au revoir.